بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 14e leçon. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala nabina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. اليوم تمارين كم؟ تمارين ثلاثة. الثالث؟ الثالث. ثلاثة. طيب. تفضل. هات ثلاثة أمثلة للجزم بالطلب. لا. خذ. هات ثلاثة أمثلة لا النهية الداخلة على فعل صفحة 109. لا يأكل لا يأكل هذا الطعام الساقط لا يجلس في مجالس السوء. تعتجل فاعل لم تذكر فاعل بس تقول لا يأكل أحد لا يأكل لأن ما تستطيع أن تجل ضميرا دون ذكر ما يرجع إليه قبل لا يأكل أحدكم هذا الطعام الساقط لا يجلس المسلمون في مجالس السوء لا يدخل الطلاب في الفصل قبل أن أخرج منه. طيب هات أربع أمثلة أربع جمل من إنشائك دوحة تحوي كل واحد منها حرفا تجزم فعلا واحدا. لم يدخل الجنة من يلقى الله مشركا. لما دخلت السوق رأيت. كيف لم يدخل الجنة؟ لم يدخل الجنة من يلقى الله مشركا. هنا لم تفيد الماضي. أيه؟ لم يدخل بالمعنى خطأ. أيه؟ لم تفيد الماضي. لم يدخل. لم يدخل السيارة. من؟ لم يدخل الأولاد السيارة. مثلا. لما دخلت السوق رأيت. لما دخلت السوق رأيت ازدحاما شديدا. وإيش؟ ازدحاما. أين الجازم؟ لما ايش قلت لما هذا لما الظرف لما او نعم لما سيغطي في الماضي سيظرف زمان سيغطي في المضارع هو جازم في عدد جزم. طيب حتى الباقي لا يسمعه لا يسمع المسلمون لا يسمع المسلمون المبتدعين لأنهم يمردون قلوبهم. عيد. لا يسمع المسلمون المبتدعين لأنهم يمردون قلوبهم. لا ويخرج يخرج الإخوة من ديارهم ليقاتل الكفار. Il y avait le 3 aussi là. Le 3, j'ai pas fait celui-là. Même si c'est le Tolob. Tu as une autre fidèle, c'est Rabia, Achar. Wawa, Fimodour, Iza, Echartia. Comment on peut dire Iza, Echartia? علمان أن إذا لا عمل لها في الإعراب المو إذا لا pas d'action dans l'Irab à la base. تمام عندنا خمس أشخاص ستقرأ هشام أنا سأقرأ المدرس وأنت المراقب سأقرأ مكان نبي بكر وأنت ستقرأ عبد الهادي. طيب. المعجم هذا يا فاضلة الشيخ. دي اسم ديكشنير سولا اسكو سولا تا ديكشنير او شيخ فاضلة الشيخ سالغاس مدرس يقول نعم هذا معجم مدرسي c'est un dictionnaire comment on appelle ça, scolaire, l'école. إذا أردت أن تشتري معجما فاشتري هذا فإنه مفيد جدا. Si tu souhaites acheter un dictionnaire, alors achète celui-là car il est très profitable. يا أستاذ قلت معجم مدرسي أمدرسي منصوب إلى مدرسة وإذا كان الأمر كذلك فأين تأوها فأين تأوها. Non. Il dit au professeur, tu as dit Mu'jamun madrasiyun, yani pour dire dictionnaire scolaire. Est-ce que le mot madrasi est lié à madrasa? Et si telle est la chose, si l'on est ainsi, alors où est passé son ta? Dans madrasa, le mot ta, est-ce qu'on l'a enlevé par rapport au yannasab? Dans le siakoul, Naam, wa mansubun il est madrasa. Idha nasabta il est ismin makhtoumin bi ta'i et ta'nith. حذفت التاء وإذا نسبت إلى مكة مثلا قلت مكي أفهمت؟ donc il dit oui il est lié au mot madrasa et si jamais tu lis un mot qui finit par un t c'est à dire tu donnes une connotation d'appartenance un nasab qui finit par un t ta'nif tu enlèves le t par exemple si tu fais un lien d'appartenance à Mekka tu vas dire Mekki est-ce que tu as compris tu ne vas pas dire Mekkati. نعم جزاك الله خير يدخل المراقب ألم يأتي حسين donc le مراقب il est rentré et dit est-ce que حسين n'est pas venu voilà c'est cool نعم لما يأتي il n'est pas encore venu إذا جاء فقل له يأتيني في مكتبي فإن له برقية أين إبراهيم أتأخر اليوم أيضا كعادته إذا جاء فلا تسمع له بالدخول فلا تسمح له بالدخول وليذهب إلى المدير. Donc il dit si jamais il vient alors dis-lui qu'il me rejoigne dans mon bureau car il a un télégramme. Où Ibrahim? Est-ce qu'il est encore en retard aujourd'hui, comme à son habitude, si jamais il arrive, ne lui permet pas de rentrer. Et tu lui dis qu'il se rende chez le directeur. Donc, il dit, Inch'Allah. Yakhruj al-Muraqib. Le Muraqib s'en va. Ya Hisham, ikra al-ayat al-walida fi ders. Donc il dit, oh Hisham, lis les versets exposés dans le cours. بعد الاستعاذة وإذا سألك عبادي أني قريب فأني فإني أني فإني قريب نعم. Donc Hisham dit après l'istirada, le fait de rechercher le refuge auprès d'Allah, dans le sens relatif approché. Et si mon serviteur t'interroge à propos de moi, alors je suis certes proche. Je suis certes proche. Mudarris yaqul ikra al ahadith al warida fi dars ya Abu Bakr. Donc il dit, lis les ahadith dans le texte au Abu Bakr. Ikra Abu Bakr, qu'est-ce que c'est? Tafadhal, lis le quand même. Al-hadith al-awwal عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة متفق عليه. الحديث الثاني قال أبو برزة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. إيش تدرسون معنا؟ السلام عليكم. Le premier hadith, selon Abu Huraira, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand si Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes, ou s'ouvrent. Muttafaqun alayhi. Le deuxième hadith, Abu Burda a dit, j'ai entendu Abu Moussa plusieurs fois, à maintes reprises, dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si le serviteur tombe malade ou voyage, il le sera écrit ce qu'il accomplissait comme œuvre lorsqu'il était résident en bonne santé. Rapporté par le Bukhari. Le troisième hadith, selon Abi Saïd al-Khudri, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous entendez l'appel, c'est-à-dire al-nida, l'appel, c'est-à-dire al-adhan, alors dites ce que dit le muazzin. Répétez ce qu'il dit, quoi, les mêmes paroles. Muttafaqun alayhi. Yusma'u sautu al-utas. On entend la voix de quelqu'un qui était yani le son d'un éternuement. Mudarris yaqul, man al-aatis, qui a éternué? C'est plutôt qui est l'éternueur, mais on va dire qui a éternué. Mudarris yaqul, ya Abd al-Hadi, iza atasta fahmadillah. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وليقول له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقول يهديكم الله يصلح بالكم. رواه البخاري. Donc il dit, oh Abdel Hadi, si jamais tu éternues, alors on l'éloge à Allah, c'est-à-dire dit Alhamdulillah. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si un d'entre vous éternue, alors qu'ils disent Alhamdulillah. Et que son frère ou son ami lui réplique, enfin plutôt lui dise également, qu'Allah te fasse miséricorde, yarhamakullah. Et si jamais il lui dit yarhamakullah, alors que lui, c'est-à-dire celui qui est éternué, répond en disant, qu'Allah te vous guide et qu'il réforme votre situation. Adamana, yahdikumullah, yuslihu ba'alakum. Là, tu vois, il y a une khata, ils ont mis une dhamma sur le ya, en fait, c'est sur le kef. Yahdikum. نعم طيب ثم يقول أجيب عن الأسئلة الآتية أولا عمن سأل المراقب نوك مسؤولين أتروجي à propos de qui. ثانيا ماذا قال المراقب للمدرس بالنسبة إلى إبراهيم. Qu'est-ce qu'a dit le surveillant au professeur par rapport à Ibrahim? بالنسبة إلى يعني بعطوها كل شيء. ثالثا من الذي عطس أحمد الله بعد العطاس donc il dit qui est celui qui est éternué y a-t-il rendu l'éloge à Allah après avoir éternué après l'éternuement. هذه الأسئلة لي درس الغد إن شاء الله. بالنسبة c'est en rapport c'est ça. Ouais. نعم. تمام. فالآن ندخل في موضوع الدرس وهو إذا. يقول إذا ظرف تضمن معنى شرط. C'est un ظرف qui a sens de condition. تدخل غالبا على الفعل الماضي فتحوله في المعنى الى المستقبل. Donc très souvent, il rentre sur le fil au passé, le verbe au passé, et il le transforme au temps du futur. C'est le contraire de l'am. L'am, il rentre dans le fil, dans le dernier, et il le transforme au mardi. Et il va, il rentre dans le fil, le mardi, et il le transforme au mardi. A savoir que l'idha n'a pas de travail sur le verbe. Le verbe, il reste, sauf même s'il est mardi ou marfour, s'il est mudawariya. C'est pas un jazim, c'est pas un ansib. Il n'y a pas de travail sur le verbe à la base. Tuhawi, ça veut dire utiliser. Là, le transfert. Taïb. Nahu, idha jaa ramadan, futihat abwabul jannah. Si un ramadan vient, les portes du paradis seront ouvertes ou sont ouvertes. فالآن الجملة على قطعتين جزئين. La phrase en deux parties. أولا شرط الجزء الأول شرط إذا جاء رمضان. Si رمضان arrive. C'est la première partie de la phrase. والثاني جواب الشرط, c'est-à-dire c'est la réponse, la suite de cette phrase, la conséquence. فتحت أبواب الجنة. Les portes du paradis seront ouvertes. يعني إذا يتجه إلى شرط جزء الأول من الجملة وجواب شرط جزء الثاني. فهنا في الإعراب تكون مثلا إذا على ظرف زمان مبني على السكون في محل نصب, في محل نصب. وجاء فعل ماضي مبني على فتح لا محل له من الإعراب. رمضان هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الداخلية, وهذا يسمى شرط, هذا قسم من الجملة يسمى شرط. ثم فتحت هذا فعل ماضي مغير الصيغة مبني على فتح لا محل له من الإعراب. أبواب هذا نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلى رفعي الضمة ظهرها لآخره وهو مضاف, والجنة مضاف إليه. وهذا جزء من الجملة يسمى بجواب الشرط. كما ترى إذا ما تعمل ما تجزم لا تنسب ولا ترفع, إنما هي ظرف زمان بمعنى شرط. نترجم بارسي. Et on traduira par si, kazalik. Ou lorsque. Laisse plus si, à ce moment-là. Lorsque c'est plutôt indama, ou hinama, ou akada. Yakul, waqad tatroulou ala al-mudariya. Et c'est peu qu'elle rentre sur le mudariya. Wakazalika yajouzun yakuna jawabu sharti fi ala al-mudariya. Donc il se peut qu'elle rentre sur un verbe au présent, et que sa réponse, sa conséquence, soit également avec un fi'l, un verbe au présent. كما في قول الشاعر كما نرى قول دي بويت, والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. Donc là dit le sens des vers, c'est que l'âme, si tu l'habitues à commenter les choses, elle le fera, elle va commenter les choses. Par contre, si tu la fais se contenter de peu, alors se contente de peu. هذا المعنى من هذه الأبيات. فهنا الشاهد يقول إذا ترد, طيب هذا في المضارع مغير صيغة, أنا الجواب تقنع, الجواب تقنع, هنا تقنع هذا الجواب وفي المضارع كذلك. Donc là les rentres, comme je disais, إذا تجتهد في طلب العلم مثلا تستفيد. الآن دخل على فعلين مضارعين. ويجوز يجوز لتلك الفاء أو تلك إذا التي يظرف أن تدخل على الفعل الماضي وجواب في المضارع, تدخل على الفعل الماضي وجواب في المضارع. فلان إذا فعلت كذا يحصل كذا وكلها بمعنى واحد. طيب يقول يجب اقتران جواب الشرط بفاء في مواضع منها. Donc maintenant, la conséquence, la réponse du fa, du ida, des fois, on est obligé de la faire débuter par un fa. Har fa, tout simplement, du fa, et ta fleriya. Fa, et ta fleriya. Et ça durait par alors, dans des cas particuliers, avec des conditions. Awalen, an yakoun, al jawabu, jumlatan ismiyatan. Donc, première condition, si jamais ça. Réponse, sa conséquence est une phrase ismiya. Jumla ismiya, donc là on est obligé de mettre un fait. Kafi qu'Allah Ta'ala, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Je dis dans le sens relatif approché, si mon serviteur t'interroge à propos de moi, alors je suis proche. Fa al-an, al-shart innahu iza sa'alaka. Hada wa al-shart. Wa jawab al-shart fa inni qarib. Voilà, jawab al-shart, c'est une jumla ismiya. Donc là, on est obligé de mettre un fa. On ne peut pas dire « Iza sa'alaka ibadi anni inni qarib ». Il faut mettre un fa. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, « An yakuna jawab fi'lan talabiyan min anwa' al-talab » ou « min anwa' al-talab »« al-amr wa al-nahi wa al-istifham » Donc, deuxième cas, si jamais sa réponse, sa conséquence, c'est une phrase contenant un verbe qui a un sens de talab. De demande, de désir. On a déjà pris hier, c'était quoi? Les cas de talab. Et parmi eux, al-amr, l'impératif, al-nahi, l'interdiction, istifham, l'interrogation, et ainsi de suite, al-du'a, wal-ad, wal-tamanni, wal-raja, wal-zalika. On les a pris hier. Mathalan, idha ra'aita hamidan, fas'alahu, fas'alahu, afwan, an-mu'id al-safar. Donc si tu vois Hamid, alors interroge-le sur le rendez-vous du voyage. فهنا إن الشرط إذا رأيت حاملا فصل الشرط وجواب الشرط فاسأله فصل كوا سأمر دونك لون أمي كوا ونمي الفاء ونمي الفاء on dit pas إذا رأيت حاملا اسأله طيب on dit pas ça t'es obligé de mettre le fa également إذا وجدت المريض نائما فلا تقيده si tu trouves le malade en train de dormir, alors ne le réveille pas. Fauna et la charte, il est rejeté le mari. Alors, charte. Wa jawabuhu, falatu qidhu. Fauna, anana nahi. On a une interdiction, donc on a mis le lait. Ah, on a mis le fa. Fa tafriria. Ou autre cas, elle a dit, istifham, yakul. إذا رأيت بلالا فماذا أقول له؟ Si je rencontre Bilal, alors que dois-je lui dire؟ فهنا أنا شرط إذا رأيت بلالا وإن جوابه فماذا أقول له؟ فهنا الجواب c'est un استفهام. طيب la conséquence c'est une question. Donc là on met le fa. Il y a d'autres cas encore, comme on l'a dit. Et dans certains cas le fa peut être enlevé. Dans certains cas le fa peut être enlevé. طيب أنا أزيد لك et d'autres cas encore. Il y a Mathalan, aujourd'hui on a pris quoi? Elle joue la Ismiya. Awalen. Si la conséquence c'est une joue la Ismiya, on veut le faire. Également, Talabiya, c'est un Talab. Vous voyez, c'est un verbe qui a sens de Talab, on met le faire. Également, si sa réponse, sa conséquence commence par un verbe Jahabid, comme Leïsa. Laïsa ou Asa ou plusieurs verbes qui sont déjà amis, si la réponse commence par ces verbes-là, on met un fa. Également, si la réponse commence par len, harf al-nasb, len, harf al-nasb, istiqbal ou nafi, tu mets un fa. Mathalan, t'akoul, lise maridna, fa len nadhaba, il est mekan kaza wa kaza. Sinon, on tombe malade, alors on n'ira pas à tel lieu. Mathalan. Là, tu mets un fa. Également, si la phrase est une. Yani, menfi, bima, lisa bila. Bima, c'est une négation avec ma. Tu mets un fa. Bima. Ma. C'est pas là, hein. Ma. Avec la, il n'y a rien. Mais avec ma, tu mets le fa. Si avec là on dit fala. Là, quand c'est un nahi et quand c'est un nafi, là. Là c'est le nahi qu'on a pris, le nahi qu'on a pris nous. Mais t'as le nafi aussi. Vous voyez donc, bab hulouf et tenfis. Après sinon ça au fin. Si la réponse commence par un verbe mustaqbal avec sinon ça au fin, on met le fa. ستقول إذا لم تشرك بالله فستدخل الجنة مثلا وإذا سيكونس par code الجواب سيكونس par code tu mets le fa. فنقول إذا سمعت المدرس جيدا فقد تفهم مثلا تكون بيان البروفيسور راس فوت كوكان أي مثال ما قد إذا سمعت المدرس جيدا فقد تفهم الدرس وليس ولا في الجواب. نعم. J'ai pas les exemples, j'ai pas les exemples qui viennent en tête. À partir du moment où tu vois un ida, si ton jawab il y a leïsa ou un autre sur jamid, tu mets le fa. Tamam, bien cool. عين الشرط وجواب الشرط فيما يأتي. وإذا كان الجواب مقترنا بالفاء فاذكر السبب. Donc là il dit, trouve le short et sa réponse dans ce qui suit, et si jamais la réponse du short elle a un fa, alors dis pourquoi, c'est quoi la cause. طيب جمل أولى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين. Donc Allah dit dans le fond de se rapprocher, ou vous qui avez cru, si vous levez, on va dire levez pour accomplir la salat, alors lavez vos visages ainsi que vos mains jusqu'au coude. Et essuyez vos têtes et lavez. Là le msahou là, il est juste pour rousikum. Et là tu vois arjulakum, il a une fatha. C'est-à-dire qu'il n'est pas martouf sur rous. Il est martouf sur aidiakum. Donc c'est laver. Il y a bien un silo. Attention. Donc lavez vos pieds ou vos pieds jusqu'aux chevilles, jusqu'aux deux chevilles. Naam. Final le short. Alors short iza kuntum. Naam. Wal jawab farsilu wujuhakum. Pourquoi il y a un fa? Alors fa li talab. Naam. Talab. Wa am. Aywa, ahsan. Wa msahu. Ah bas. Ah bas, d'accord. ثانيا قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفيني إذا مرضت الشرط اي سي جو توم مالاد alors il me guérit, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim يقول كذا إذا مرضت الشرط فهو يشفين سبب ذلك جملة اسمية جملة اسمية أحسنت وانظر يشفين هنا يا با ديا يشفيني Le tarfif, mais en somme, c'est Yashvini. Il y a une cote où va falloir le tarfif. Qala ta'ala, ya ayyuha allazina amanu, iza nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati, fas'au ila zikrillahi wa dharu al-bay'a. Donc, vous qui avez cru, si jamais l'appel à la salat du jour du mois se fait, alors accourez. Au rappel d'Allah, et délaisser le négoce ou le commerce, les ventes quoi. Al-Shaft Iza Nudia. Nam. Wal-Jawab Fas'au Ila Zikri. Fas'au Am. Iza Talab. Nam, Iza Talab. Ayem, Thumma. Iza Dakhala Ahadukum Al-Masjid Fal-Yarqa' Rak'atayn Qabla An-Yajlis. Al-Shaft. Attends, on va traduire d'abord. Si l'un d'entre vous rentre dans le masjid alors qu'il accomplisse de rakat avant de s'asseoir. الشرط إذا دخل والجواب فليركع أمر طلب نعم قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون donc Allah dans son ratif approché il dit lorsque leur temps arrive on va dire leur terme arrive ils ne peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer et la charte فإذا جاء نعم et la jawab لا يستأخرون نعم فيا rien ma fille ma fille ça va il fait et comme tu as vu là ils ont mis un la si ça avait été dans autre que dans un ma il aurait fallu mettre le fa نعم طيب تفضل ثالث إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة donc si le chien boit dans le on va dire le récipient de l'un d'entre vous alors qu'il le lave sept fois إن شرط فإذا شرب إذا شرب نعم وجواب وجواب فليغس نعم فيغسله لماذا الفاء نعم ça c'est parmi la dilla de ceux qui disent que la bave du chien c'est une najasse. Et après il y a des gens qui disent que ça donne seulement une najasse. Il y en a qui disent qu'il est complètement najasse. Il y en a qui disent qu'il n'est pas du tout najasse. Trois à quoi خامسا إذا سمعت لا attends je suis c'est moi qui me trompe attends ça vient نعم إذا سمعتم بالطاعون في أرضي فلا تدخلوها وإذا وقع بأرضي وأنتم بها فلا تخرجوا منها okay, si vous entendez que la peste est en une terre en un pays, enfin un lieu, alors n'y entrez pas. Et si jamais il se trouve dans la terre où vous êtes, alors n'en sentez pas. ثامنا وإذا نعس أحدكم في الصلاة فلينام حتى يعلم ما يقرأ si l'un d'entre vous s'endort lors de la salat alors qu'il dort afin qu'il sache ce qu'il récite الشرط إذا نعس والجواب فلينام نعم أم طلب نعم تاسعا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة donc si l'iqamah de la salat est fait alors il n'y a plus de salat à faire si ce n'est celle qui est prescrite l'obligatoire الشرط إذا أقيمت أقيمت وجواب فلا صلاة جملة اسمية نعم هنا لا هذا لا النفي الجنس ولا سياتي سي با النفي هذا لين الناهية c'est le nafi le jins ça va venir inchallah le mot qui vient après les bons soubes c'est pas le naïs là c'est le nafi le jins طيب عاشر قال الشاعر إذا لم تستطيع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع donc le poète a dit si tu ne peux pas faire une chose alors délaisse la et te remplace la par une chose que tu peux faire نعم الشرط والجواب ودعه نعم الطلب هذه عشر قال شوقي نعم في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رحمت فأنت أم وأبوه أنت أم أو أب أنت أم أو أب donc il dit Shawki en faisant l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam que si tu fais preuve de miséricorde alors tu es mère ou un père إذا رحمت الشط والجواب فأنت فأنت أم أو أب ماذا الفاء؟ جمع اسمية نعم طيب ثم التمرينات ستكون لغد إن شاء الله يقول ثانيا أدخل إذا في جملتين على أن يكون جوابها خاليا من الفاء donc tu fais deux phrases avec إذا sans qu'il y ait de فاء وثالثا أدخل إذا في أربع جمل على أن يكون الجواب donc on rentre dans quatre phrases إذا de sorte que sa réponse soit أولا في الأولى جملة اسمية sa réponse soit une جملة اسمية ثانيا في الأمر la verbe l'impératif ثالثا في الثالثة في على الموضوع الآن مقترنا ب لا لم الأمر donc là pour qu'il y ait la même âme qui rentre dans le fiel du jawab رابعا وفي رابعة في على الموضوع الآن مقترنا ب لا ناهية tu vois une phrase où il y a la ناهية نعم فهذا مما أخذنا اليوم في درس ماذاك أخذنا إذا إذا التي هي ظرف زمان تفيد شرط تدخل على الفعل المضارع والماضي وتحتاج إلى جواب والجواب تكون أي فعل قد تكون مضارعا كشرط أو ماضيا كشرط أو مضارعا مخالف الشرط أو ماضيا مخالف الشرط وقلنا أنه يجب اقتران بالفاء إذا كان الجواب في بعض المواضيع مثلا جملة اسمية أو طلبية أو بفعل جامد أو بمال نافية أو بقد وغير ذلك يجب أن نقتلين الجواب بحرف فاء تفريغية هذا هو درس اليوم ومفهوم طيب والحمد لله رب العالمين